Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 31 janvier un message de félicitations à Moussa Paki Mahamat, élu président de l'Union africaine au 28e sommet d'État et de gouvernement de l'Union. Dans son message, il a indiqué que l'élection du président du Comité de l'Union africaine est le résultat de la confiance et de l'attente des peuples et des pays qui s'efforcent pour résoudre sans ingérence étrangère les problèmes continentaux par eux-mêmes et aussi la paix, la stabilité et le développement de l'Afrique. Il a réaffirmé sa position inébranlable pour développer activement les relations d'amitié et de coopération avec l'Union africaine et ses pays membres et a souhaité grand succès dans son travail responsable pour le développement de l'Union.